Yeah, yeah, ma fille, Ok, toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas les prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger. Ok, toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas les prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger. Pas bizin pour étranger. Pour les miens en café, comprendre yo connaître bien nous mais nous toujours en bafay. Doris c'est nous, longtemps nous qu'a fait. Maya sous c'est nous, vim pour butiner nous qu'on flait. Nous grandis ensemble qu'on frère, nous soudés qu'on fait. Quand j'a fait connerie, ça je le confesse. Nous pas besoin conseil, ou j'ai le concept. Doris c'est ça l'extrême, pas qu'à traiter elle est traite. Ok toujours Drexy, non ça pas qu'a j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'a j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas besoin pour étranger. Ok toujours Drexy. Non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas besoin pour étranger. Pas besoin faire métaphore, nous qu'à rapper on vécu. Ou qu'à rapper merde, texte à wassi PQ. Oui, file nous tes thunes, ne fais pas le têtu. On est si road elite, tout de rouge vêtu. Ou pas qu'à ressusciter, passe ou pas Jésus. Nous go qui est tu, nous on fait ce qui est juste. On prend ce qui nous est dû. Oui, villa ça dure. Fuck les faux frères, l'amour pour les négros sûrs. Ok, toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger. Ok, toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger. Ok, toujours Drexy, négro point ta pite. Pite à pétrise pour mon appât à l'abri. Profite de la brise et de ta famille. De tes amis, passe villa, ça caille trop vite. Shot là ou là, et demain au parti. Nous vélo et platine, faut que c'est ratatine. Pour un dimanche sous tautine. Yo qui fait trahir, faut qu'on étranger. Y'a pas qu'à chercher ses amis. Ok, toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger. Y'a qui toujours Drexy, non ça pas qu'à j'ai changé. Toujours L6, non ça pas qu'à j'ai changé. Il a pas ni prix, contrairement à 500 G. Obligé fait le tri, pas bizin pour étranger.